Allô? Allô? Oui? Bonjour, j'appelle, j'ai vu votre numéro de téléphone. Oui, où ça? Ah bah dans le magazine. C'est vous qui êtes sur la photo? Oui, c'est moi. Ah d'accord, parce que des fois on est trompé, hein, donc je suis C'est content. 800 francs pour le rapport et massage. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc combien? 800 francs pour le rapport et massage. 800 francs pour le rapport et le massage. Ça dure combien de temps? Une heure. Une heure, sympa. Il n'y a pas le sodomie. Ah, chic, merci, je vais le noter. Donc, pas de. D'accord. Et vous massez toutes les parties du corps? Oui, bien sûr. Tout? Oui. Sûr? Ah bah oui. Non, d'accord, parce qu'on n'arrive pas et que vous fassiez juste les épaules et que Non. ça, quoi. Écoute, j'ai déjà fait 300 personnes, 400 personnes, donc Aujourd'hui? non, bon, écoute, j'ai pas la peine de parler de plus. Bon, bah J'ai d'accord, bah pas le temps. j'ai tous les renseignements. Sinon, parce que comme la radio me donne pas beaucoup, tu prends il y a les tickets resto ou pas? Du quoi? Vous prenez les tickets resto? C'est quoi? C'est des tickets et puis on va. C'est des tickets resto, quoi. Mais je connais pas cette mot. Ah, vous connaissez pas le paiement? C'est quoi? Sinon. C'est pas le mot? Ah non, c'est pas une position, la position. Mais c'est quoi, vous demandez? Les tickets resto. Non, c'est un moyen de payer. Ah non, non, non, c'était 800 Ah, vous avez fois. cru que c'était une position, la position de ticket resto? Non, ça se fait pas. Non, non, je la connais pas de toute façon. Non, non, c'est un moyen de paiement, hein, vous prenez pas ça. Non. Bon, et les points SO? Prenez pas non plus, parce que j'ai 10 000 points SO, ça fait 2 verres. Hein. Non. Non plus. Non, au revoir. Que des francs alors. D'accord, merci. La carte Kiwi? Non plus.